Et si Génération Manga épisode 520 aujourd'hui avec Chris. Salut. Alors moi je vais vous parler vite fait de la Japan Touch où je suis allé hier. C'était ce week-end donc voilà. À Lyon. C'était la première fois que j'allais à l'Euro Expo parce qu'en fait quand j'avais fait Japan Touch avant c'était à l'espace double mixte donc sur deux étages. Donc là ce coup-ci c'était très grand. C'était un hangar comme si c'était une portion de Japan Expo en fait. D'accord. Et donc bon sûr, il y a plein de magasins, plein de trucs. J'ai revu nos amis de Head Trick. Hein, vous vous souvenez sans doute de Rachus qui nous avait fait il y a très longtemps des caricatures en SD de nos personnages. C'est lui maintenant qui est le mangaka de Head Trick, donc un manga français. Donc ils m'ont raconté un petit peu comment ils ont fait pour publier quoi. J'aurais peut-être une anecdote à vous raconter en temps utile. Et puis j'ai rencontré bien sûr les comédiens de doublage Arthur Pestel et Kelvin Dumour. Arthur Pestel c'est bien sûr Full Metal Alchemist, Edward Elric. Et quant à Kelvin Dumour c'est Harley Quinn, hein, Monsieur J. Donc voilà, donc ça aussi j'ai filmé la conférence. Donc vous pouvez la voir tantôt sur internet dans un toit qui t'y connaît. Voilà, Chris c'est à toi. Alors J-5, samedi c'est l'événement, on vous en parle depuis des semaines. The là, place ça to n'a be. Jamais été aussi près. Voilà effectivement, The Place to Be, l'événement du mois. L'animé Nostalgie au Grand Rex, on vous en a parlé, mais il faut vraiment y aller. Il reste encore des places, donc faites-vous plaisir, parce que c'est un événement unique, hein, qui c'est ne un se reproduira shot, pas, pas deux fois exactement. Alors c'est quoi l'animé Nostalgie? C'est une super soirée où vous allez pouvoir retrouver 15 artistes, 16 avec parce un invité, mais tu nouvelle. Vas le dire après, ne dis pas au cas nouveau, où certains n'auraient pas eu l'info. Donc 15 officiels plus une personne un en petit bonus. Guest, un petit bonus effectivement. Donc des artistes, des chanteurs et chanteuses de génériques cultes qui pendant 2 heures vont interpréter vos génériques préférés. Alors on nous annonce plus de 40 génériques en version originale bien sûr. Et ce qui est extraordinaire c'est que ce ne sera pas sur une bande son mais avec un orchestre qui jouera de la meilleure manière possible, c'est-à-dire en respectant le plus les enregistrements d'époque voilà. Ces fameux génériques. Alors qui on a à l'affiche? Alors du beau monde hein. Je vais vous citer un petit peu nos 15 invités. Après, tu nous parleras du 16e invité, voilà. De la surprise, du cadeau bonus, comme tu dis. Donc tout d'abord, on a notre cher ami et comparse Bernard Minet. Alors Bernard Minet, incontournable. Je ne vous le présente pas, c'est Bioman, les Chevaliers du Zodiac, Juliette, je t'aime. Il a dit qu'il le chanterait d'ailleurs, donc on aura droit à Juliette, je t'aime. Il y aura le coach foufoufou aussi. Exactement, Goldorak, go. On a Claude Lombard, on en parlera tout à l'heure. Alors Claude Lombard, bien connu des fans des années La 5, c'était Embrasse-moi Lucille entre autres, Max et compagnie, Une vie nouvelle. Voilà, sachez tout que c'est la première fois qu'elle va chanter sur scène ses chansons. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une exclue là parce que ça faisait longtemps que Claude n'était pas revenu sur scène pour chanter ses génériques. Oui, parce c'est que même jamais arrivé. Voilà, parce que d'habitude elle est sur scène mais en tant que choriste de d'autres artistes comme Charles Aznavour, mais sinon elle n'était jamais devant à chanter d'elle. On aura aussi notre amie Marie Dauphin, une grande copine de Génération Manga. Marie Dauphin c'est Lady Oscar, Bibi Fock et Clémentine entre autres. Valérie Barouille, alors Valérie Barouille c'est Jeanne et Serge, Amy Magique, Crémy, le générique. Vanessa et la magie des rêves. BCBG entre autres. Jean-Pierre Savelli, Monsieur X-Or. Le shérif de l'espace. Il était une fois l'espace aussi. Avec les génériques de Goldorak, sous le nom des Goldies à l'époque. Tout à fait, là-haut, et là-haut. Et puis, il nous fera aussi une interprétation d'Albator, 78. Voilà, parce qu'il y avait une version de lui d'Albator aussi à l'époque. Il a même fait un clip. Exactement. Un monsieur rare sur scène pour des génériques en tout cas, c'est monsieur Jean-Paul Césari, on en parlera aussi tout à l'heure. Oui, parce qu'il fait des petites tournées sur Paris, mais pour chanter des vraies chansons, si je puis dire. Voilà, des chansons du patrimoine français. C'est ça. Voilà, pour faire simple, ou de variété. Alors monsieur Jean-Paul Césari, c'est Nicky Larson, l'Académie des Ninjas. Il va nous chanter les deux d'ailleurs, entre autres. Oui, mais l'Académie des Ninjas, malheureusement, c'est pas du tout une de mes chansons préférées de lui. J'aurais préféré largement du Jetman, du Five Man, du Cougar, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs qui rentrent bien dedans. Voilà. On aura alors Michel, notre ami Michel Barouille. Michel Barouille, c'est sous le signe des mousquetaires. Le Bioman, premier Bioman. Le premier Bioman, le générique cultissime. Le tour du monde en 80 jours. Voilà, exactement. Un des génériques préférés des fans, d'ailleurs, ouais, Michel. Ouais. On aura Isabelle Guillard. Alors, Isabelle Guillard, c'est Cat Size, le générique. Voilà, elle a fait que ça, mais c'est le générique, quoi. Parallèle à ça, elle a une carrière oui, très fournie. Mais je veux dire en générique, j'entends. Exactement. Donc, il y aura Franck Olivier. Monsieur Franck Olivier, c'est Albator 84 et Astro, le petit robot. Dominique Poulain, les premiers génériques de Candy. Ouais, les seuls, les vrais. Les vrais, l'unique. Les uniques, pardon. Liliane Davis. Liliane Davis, Edgar, détective cambrioleur. Alors, elle a fait quelques voix de choriste, par exemple, sur l'île au trésor avec Michel. Alors, figure-toi que j'ai découvert d'autres trucs sur Liliane Davis. C'est que j'ai trouvé en brocante le CD de Charlotte aux Fraises, la série récente. Et j'ai écouté le générique. Je dis, mais c'est la voix de Liliane Davis. Et effectivement, Liliane Davis chante sur le générique des Charlotte aux Fraises récentes. Elle a fait plein d'autres choses aussi. Elle fait aussi les pubs pour Barbie. Oui, et puis d'autres choses intéressantes, on en parlera. Mm. Alors, Patrick Schrader. Patrice, il m'excusera. Excuse-moi, oui. Patrice. Donc, le générique de Peter Pan, ça c'était un petit peu une. Pas une intrigue, quelque chose de particulier, voilà, qui est peu connu du grand public. Oui, déjà, c'est une chanson très connue. Ça fait un petit peu l'intérêt du concert. Hein. Et aussi, la chanson est très aiguë, donc pendant longtemps, on pensait que c'était une fille qui chantait, mais en fait, c'est bien un homme. Et puis, effectivement, il a fait un petit extrait qui prouve que c'est lui qui arrive à monter si haut dans les aigus, c'est impressionnant. On aura notre amie Amélie Morin aussi. Tout à fait, Sherlock Holmes. Amélie, on vous en a parlé d'ailleurs, on la retrouvera prochainement dans une interview exclusive pour le spécial Candy, je vous le rappelle. On aura aussi Michel Andersen. Alors Michel Andersen, c'est le fameux générique de Rouen composé par le grand Vladimir Cosma. Absolument. Et donc, pour joindre ce line-up déjà cultissime, donc il y a un invité de dernière minute qui a été présenté il y a quelques jours, donc tu vas nous en parler. Eh ben, il s'agit de Nadine Delanoë, que les fans de Lady Oscar connaissent très bien, puisque c'est la voix française de Lady Oscar dans la série. Et elle a aussi interprété conjointement avec Brigitte Vinstel le générique de Maya l'abeille, dont elle est aussi la voix. Donc là, pour le coup, vous avez deux pour le prix d'un. Vous avez la chanteuse qui fait aussi la voix du personnage en même temps. Donc elle veut nous chanter Maya l'abeille, donc aussi en live. Nadine Delanoë, et pour tous les fans de Lady Oscar, c'est l'occasion ou jamais de la rencontrer. Voilà, et donc on vous le dit, hein, ça sera vraiment un rendez-vous unique. Il n'y aura pas de tournée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, on voit un petit peu sur les forums, oui, pourquoi ne faites pas une tournée ? Il faut savoir que déjà, pour monter un projet de ce type, ça demande énormément de temps et d'investissement, notamment financier, c'est un petit peu compliqué. Il faut que les différents artistes soient disponibles. Ce n'est pas évident de les rejoindre. C'est donc un projet qui a été construit sur plusieurs années, il faut le savoir. Donc c'est déjà bien qu'il y ait une date, donc n'espérez pas une tournée, il n'y en aura pas d'autres, sûrement un one shot, donc venez samedi au Grand Rex, sinon vous le regretterez. C'est à Paris, une salle super sympa, il reste beaucoup de place encore, donc il faut nous combler cette salle. Il faut absolument la remplir, les gars, parce que vous allez regretter toute votre vie de ne pas avoir été là. Vous allez regretter de toute façon. Alors je veux pas savoir, oui mais je bosse ce jour-là, vous faites porter pâle, vous avez la gastro, je veux pas savoir, vous trouvez quelque chose, un subterfuge, mais vous le regretterez, je vous promets que vous le regretterez. Souvenez-vous quand je vous avais dit pour Cartoonist Nice, vous avez dit Place to Be, puis après vous êtes venu pleurer, n'hésitez pas. Et bien là c'est pareil, si vous venez pas, vous le regretterez, je vous aurais prévenu. Alors d'une part, voilà, il y aura qu'un seul concert, a priori. Et n'espérez pas non plus voir une sortie DVD et CD, puisqu'on a eu l'information. Il y aura une captation privée uniquement pour les deux personnes, les producteurs de, mais ça sera pas du concert. Mais voilà, c'est des archives personnelles également pour les artistes, mais ça ne sera pas diffusé, ça ne sortira pas dans le commerce. Donc n'espérez pas vous rattraper avec un visionnage, une captation, ça n'y aura pas. Voilà, donc alors, déconnez pas, venez. Il faut vraiment le vivre en direct. Donc, vous pouvez dire à vos enfants, j'y étais. Voilà. C'est comme Woodstock. Voilà, j'y étais. Alors, justement, événement exceptionnel, émission exceptionnelle. Durant cette émission, on va vous parler un petit peu de certains de ces artistes qui sont peut-être un peu moins connus du grand public, avec des petites raretés, des choses comme ça. Mais avant de démarrer, je vous propose, alors, si vous êtes fan de Cat Size, un remix. Un remix qui, vous allez voir, est plutôt pas mal. Alors, c'est dans le style Eurodance Beat. Alors, si vous êtes... Reste poli, s'il te plaît. Oui. Donc, si ça vous dit peut-être rien, cette appellation, mais si vous êtes fan de J-pop et notamment des Inoy Team, à l'époque, c'était un groupe de jeunes filles. Je t'attaquerai pas là-dessus. qui faisait donc de la J-pop dans le style Eurodance Beat. C'est un peu ce style-là, électronique avec les claviers, etc. Donc, c'est un groupe allemand qui s'appelle Erotic. Ah oui, ça ne s'invente pas. Ah oui. C'est un groupe qui fait des reprises comme ça de films, de dessins animés. Alors, c'est vrai que Cat Size, par rapport à tout ce qu'elles ont enregistré, parce que ce sont des femmes, comme titre, ça sort un petit peu du lot, parce que le reste, c'est absolument pas des mangas. Alors, c'est sûrement un coup de cœur. Mais je vous propose quand même de découvrir ce mix. Vous allez voir, il est plutôt sympa. Nous rappelons quand même que la chanson japonaise de Cat Size a été en tête des top 50 là-bas pendant très longtemps. C'est une chanson que tout le monde connaît, un peu comme Capitaine Flamme ou Bioman pour nous. Tout le monde connaît, même si on n'aime pas spécialement. Oui. Ceci explique aussi un peu cela. Alors, il y a eu beaucoup de remix à l'époque, mais là, c'est un remix que vous avez... Vous avez jamais entendu. C'est pas les remix japonais. Vous allez voir, ça, c'est en tout cas... C'est du new. Vous avez jamais entendu ça. Alors, remix, ouvrez vos esgourdes. Voilà. De Erotic. It's I. Et on attrape le pompon et on a un tour gratuit. Voilà, ça tour ça, sur Génération ça cartonne hein, quand même. Ouais. C'est plutôt sympa. Alors, c'est, je le rappelle, Érotique. C'est une joyeuse bande de gentilles allemandes, blondes, comme on les donc aime. Donc, c'est E-érotique. Hein. Exactement. Précisons. Et donc, c'est plutôt sympa. Voilà, un bon remix. Elles sont fans de Cat Size. Ça fait plaisir quand même. Donc, le générique de Cat Size, le vrai, le pur, le l'original français, japonais, l'original, ouais. Comme vous aimez. Voilà. Par contre, au Grand Rex avec Isabelle Guillard, voilà, voilà samedi. Cat Size, si vous voulez size. Voir chanter ça en direct, à mon avis, c'est unique. Hein, ah, ça sera peut-être la seule fois de votre vie. C'est la première fois qu'elle première, le chante. Peut-être dernière. Alors, et peut-être la, sûrement la dernière. Et donc, oui. Donc non, mais il faut y aller. Il faut y aller. The place to be. Il y aura un monsieur qu'on apprécie particulièrement aussi. Enfin, on aime tout le monde. Hein. On aime tout le monde, mais on aime particulièrement monsieur Jean-Paul Césari. Oui, oui. Charmante voix quand même, de, voix de velours, très agréable à écouter. Tu sais qu'il a eu une carrière de chanteur avant de rentrer au club d'eau. Bah on va écouter un de ses titres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de travailler pour Dorothée, puisque c'était le secrétaire hein, de voilà. Dorothée, et puis donc un jour il était par là dans le couloir, on lui a dit « Tiens, tu sais pas quoi faire, tu vas venir enregistrer un générique. Ouais, » Il en a enregistré chantais déjà un, avant, puis deux, puis voilà. Trois, puis quatre, etc. Avec la carrière AB qu'on lui connaît. Je crois qu'il a dû commencer par les bioniques peut-être. Un papa bionique, exactement. Une maman bionique. Donc, mais c'est vrai qu'il a sorti des disques donc ils n'ont pas connu, il est vrai un très grand succès, c'est dommage, vous allez le voir tout à l'heure, dans quelques secondes dans d'ailleurs, quelques, avec un titre. C'est au début des années 80, hein, de mémoire, c'était en 82, son premier vrai 45 tours. Mm-hmm. Là, je vous propose donc une chanson qu'il a enregistrée en 87. Donc on était charnière. Donc c'était c'est là que ça doit être son dernier titre avant de rentrer au club. Exactement. D'eau, quoi. Ça s'appelle Aussi loin que tu sois, vous allez voir, une superbe mélodie et puis superbe voix aussi. Comme à son habitude. Alors de Jean-Paul Césari, dont le vrai nom est Jean-Paul Césarini. En fait, il a enlevé le ni pour avoir un nom d'artiste. Exactement. Voilà. Alors c'est un artiste complet. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il joue très bien de la guitare. Mais d'ailleurs, il fait des concerts en acoustique, je crois. Exactement. Quand il est sur, donc souvent Paris. Sur l'été, sur la Côte d'Azur, par exemple, mmh. Donc dans les stations. Et en ce moment, Balnéaire, sur Paris, il en fait quelques dates. Il fait quelques bars-concerts. Voilà, c'est ça. Concept. C'est plutôt sympathique. Alors, on vous prépare des petites choses hein, d'ici quelques semaines avec Jean-Paul Césari, parce que ce serait bien qu'on parle de tout ça avec lui. Bah oui. Donc, on vous prépare des petites surprises à ce niveau-là, voilà. Je vous propose quand même de découvrir ce titre, Aussi loin que tu sois, vous allez voir, c'est une très belle mélodie, c'est très sympa. C'est parti. C'est un message que je t'adresse au hasard. Pour ce restant de destination du pas. Aussi loin que tu sois. Aussi loin. Aussi loin que tu sois. Aussi loin. Ah bah voilà, ça c'est du Jean-Paul Césari. Hein. Voilà, comme on l'aime, on reconnaît bien sa très agréable voix. Hein. C'était sympa ce qu'il faisait, dommage que ça n'ait pas marché à l'époque. Alors Jean-Paul Césari, c'est aussi les années Club Dorothée, mm-hmm. avec plein de génériques comme on les aime. Donc on va en écouter un tout de suite, hein, histoire de voyer un petit peu. Voilà, un que t'aimes bien en plus, formidable. Entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il a fait dans les années Club Do. Donc voilà. Il a pas mal bossé sur les Sentai. Hein, en l'occurrence, il en a fait pas mal de Sentai et de Tokusatsu en général, hein, avec donc Metal Dare, Jetman et Five Man qu'on écoute maintenant. C'est parti. Feynman triomphe à jamais, défendez l'humanité. Ah, elle est très répétitive, mais je sais pas, je l'aime bien. Voilà ce qui vous attend un petit peu ce week-end. Hein. Donc tous au Grand Rex. Absolument. Alors au Grand Rex, il y aura un grand monsieur aussi, un grand artiste. Hein, complet, un grand artiste. Qui est musicien, choriste, très excellent chanteur. Et en plus, ça a été le premier chanteur de générique d'animé en France, dans ce qui nous concerne, dans cet univers de la Japanie, etc. C'est monsieur Michel Barouille. Ouais, c'est vrai qu'il était dans les pionniers, hein, parce Exactement. Que déjà avec la bataille des planètes, c'était le premier truc. Planètes, bon, le premier, c'était Enrique avec Goldorak juste avant, mais sinon, effectivement. Que nenni, monsieur. Que nenni. Que nenni. Ah, la bah bataille si, des planètes a été enregistrée avant, monsieur, avant Goldorak. Comment est-ce possible? C'est possible. Alors ça m'étonne parce que, je veux dire, c'est que TF1 a acheté la bataille des planètes en réponse à Goldorak, mais que la série était déjà achetée et qu'on avait déjà fait un générique avant, ça m'épate, hein. Tu demanderas à Michel, il te dira en quelle année il a enregistré le générique et tu verras qu'il l'a enregistré avant Monsieur Enrique. Bah écoute, j'adore Michel, mais j'ai des petits doutes sur sa mémoire concernant les dates exactes. Non, je pense qu'il se souvient très bien, Michel. Bon, admettons. Donc Michel Barou, il a fait plein de choses et j'ai découvert, pas plus tard que la semaine dernière, qu'il avait fait aussi des comptines pour enfants et sur un CD de Petit Ours Brun. figure-toi. Le fameux petit ours brun. Voilà, donc il faut le savoir, ça. Hein. Faut arriver à retrouver ça. Hein. Et donc, parmi ces chansons qu'il a chantées de comptine sur Petit ours brun, il y a Jean Petit qui danse, que je trouve particulièrement sympathique. Et donc, ça aussi, c'est du lourd. Vous l'avez sûrement jamais entendu, parce que déjà, il faut y penser à chercher dans les comptines pour enfants. Et n'ayez pas peur, hein. Je vois déjà vous enfuir. Des comptines pour enfants, quelle horreur! Bah, moi aussi, je pense ça d'habitude. Mais franchement, quand c'est Michel qui chante, ça change tout. Hein. Voilà, et puis, vous connaissez déjà donc les générations. Culte de Michel, donc on les passe régulièrement. Donc voilà, là, donc ça change passer un peu. Quelque chose, voilà, d'un petit peu inédit ce on soir. Sort des sentiers battus. On propose des raretés, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. C'est ça, et c'est un petit peu notre marque de fabrique en même temps. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt il danse, de son doigt, doigt, doigt, de son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa main il danse, de sa main il danse. Sa main, main, main, de son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son bras il danse, de son bras il danse. De son bras il danse, de son bras il danse. De son bras, bras, bras, de sa main, main, main. De son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De sa tête il danse, de sa tête il danse. De sa tête il danse, de sa tête il danse. De sa tête, tête, tête. De son bras, bras, bras. De sa main, main, main. De son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son pied il danse, de son pied il danse, de son pied il danse, de son pied il danse. De son pied, pied, pied. De sa tête, tête, tête. De son bras, bras, bras. De sa main, main, main. De son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De son corps il danse, de son corps il danse, de son corps il danse, de son corps il danse. De son corps, corps, corps. De son pied, pied, pied. De sa tête, tête, tête. De son bras, bras, bras. De sa main, main, main. De son doigt, doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Hey! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Tu vois, ça te rentre dans la tête ce truc. Jean Petit qui danse. Bon, alors celle-ci, vous l'entendrez pas samedi. Hein. Ah bah non, bon, ça c'est sûr. C'est une manière de ni vous... même un autre jour. Exactement, c'est une manière de vous montrer que Michel a une carrière bien remplie et très, très vaste, mais très variée aussi. Hein. Il a fait de tout. Ah, Michel. De tout, de tout, de tout. Il a accompagné les. Il a des prix de conservatoire sur des instruments, là là, je sais plus lesquels. Enfin, on pourrait en rester record, des heures. Record de prix de conservatoire, il me semble que c'est 13. Il faudra lui redonner. Enfin, il nous le dit d'ailleurs ça, dans l'interview. Oui, oui, il doit le dire. On la diffusera. Vous le verrez, mais voilà, il a accompagné les plus grands. Il a fait du générique, mais des galas aussi, tout. Et puis, il est auteur-compositeur aussi, hein. Puisque oui, sur le double CD, donc, qui était sorti il y a quelques temps. De Télé 80, mais qui est toujours disponible. Hein, donc qui est toujours disponible. Il y a ses chansons à lui aussi. Voilà, un artiste complet, entre autres, donc. Pour Cyrano de Bergerac, une comédie musicale qu'il essaie de monter. Exactement, d'ailleurs, il nous en parle. Ah, ça y est. Non, mais ça y est, là, je vais l'avoir dans la tête. Ça dans la Jean titre. Jean Petit là, qui danse, Jean Petit qui danse. Alors, on aura aussi une grande dame des génériques et une grande artiste tout court, c'est Claude Lombard. Ah, bah elle est en pole position avec Bernard Minet, c'est ceux qui en ont chanté le plus. Hein. Alors, Claude Lombard, j'aimerais en parler un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'immense carrière qu'elle a pu avoir, qui a démarré très tôt. Pour tout le monde, c'est un en peu. En Belgique Oui, en Belgique, puisqu'elle est belge une fois. Tout le monde la connaît surtout pour ses années la 5, hein, donc on pense surtout à Max et compagnie, Embrasse-moi Lucille, Une vie nouvelle, etc. Ouais, il y en a mal mais bout. Bien avant, elle avait eu une carrière. Hein, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ça a débuté en 67, mm-hmm. en Belgique. Elle a enregistré des 45 tours déjà de superbes chansons. Je vous en ai dégoté une assez rare d'ailleurs en top qualité qu'on va écouter. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi elle avait été choisie en 68 pour représenter la Belgique au concours de l'Eurovision avec la chanson « Quand tu reviendras ». Elle a quand même terminé 7e. C'était plutôt pas mal. Hein. 7 points. Donc elle présentait une émission de télévision aussi à l'époque, hein, bi-hebdomadaire pour la jeunesse. Donc déjà, elle travaillait pour la jeunesse. Où elle interprétait des chansons, donc certaines qu'elle écrivait elle-même. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Et puis, fin des années 70, elle est venue s'installer à Paris. Donc, elle a fait des choses assez variées. Par exemple, elle a écrit une comédie musicale. Alors ça, je l'ai découvert, je ne le savais pas. Ah bah, tu me l'apprends. Qui s'appelait Attention Fragile pour Annie Dupéré et Bernard Giraudot. D'accord. Vous voyez, donc un talent complet quand même. Elle a enregistré son premier album produit par Jacques Bedos, que je ne connais pas. Je sais pas si c'est un rapport avec Guy. Je ne sais pas. Et donc, bah, quelques années plus tard, elle a commencé à se faire remarquer par Lucien Hadès, donc le créateur des disques Hadès, oui. Bien entendu, les célébrissimes et cultissimes disques Hadès. Hadès sans H, je précise. Qui a commencé à lui faire donc, enregistrer bah, des petites... Les snorkies. Avant, il y avait des petites choses, des devinettes pour les enfants. Ouais, ça, tu vois, c'est encore des petites comptines, des petites choses comme ça. Peut-être là que ça vient, les fameuses comptines qui sont ressorties. Probablement. Là, hein. Elle a participé au doublage de Fraggle Rock aussi. Et ça a été la voix de Piggy dans les Muppets Babies. Hein, les Muppets Babies. Muppets Babies. Voilà. Elle a travaillé aussi avec Jean-Claude Corbel sur des petites choses. Ouais, elle a fait Lutino et Lutinette avec lui, entre exactement. Autres. Exactement. Et puis, vers 86, et ça durera jusqu'en 92, les fameuses années La 5, où elle a enregistré tous ses génériques, dont notamment le soundtrack de Crémy, puisque Crémy chanteuse, c'est la voix de Claude Lombard. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter pour voir un petit peu en début de carrière ce que faisait Claude. Ça s'appelle Bain de mousse. C'était un de ses premiers 45 tours. Donc, j'ai réussi à dégoter en top qualité, vous allez voir. On reconnaît bien sa voix et puis c'est un petit ton léger. C'est plutôt sympa. C'est parti. Alors, Bain de mousse. Bain de mousse, c'est assez rare. Hein. Dans la baignoire bleue, tous les deux. Ah mousse, que veux-tu? Dis-moi, te souviens-tu? Nos rires en majuscule, sous les bulles. Ta peau, soleil et cacao, joint à fuir entre deux eaux. Attache-corps, nous étions éclaboussés de rire et de savon. Flottant entre deux battements, tu jouais à barbe mousse, me souriant en douce, sous tes bulles de Noël, accrochées vers mer. La salle de bain enchantée vivait un conte de fées. Blanche mousse, loin des sept nains, retrouvait son prince charmant au bain. Mais notre amour n'a moussé que le temps d'une chanson. Il s'est émoussé en bulle de savon, en bulle de savon, en bulle de savon. Du collector de chez Collector. Voilà, hein, c'est un méga collector rien que pour vous. Ça date de 67 quand même. On sent que sa voix est légèrement différente quand même. Oui, hein, légèrement plus jeune. C'était le début de sa carrière. Alors imaginez-vous, 67. On n'était pas nés. Hein. C'est une sacrée carrière de Claude quand même. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de découvrir un petit peu ses débuts. Il y a des choses sympas, ça s'écoute, c'est très agréable. Elle a sorti aussi un 33 tours hein, qu'on peut éventuellement trouver, qui n'est pas évident, j'ai vu qu'une fois. Mais exactement. Il y a un 33 tours Claude Lombard, où vous pouvez entendre des chansons hors générique, donc si vous arrivez à le trouver. Exactement, c'est très agréable. Alors, vous voyez, elle ne s'est pas limitée, même si elle l'a très bien fait, à des génériques. Et elle bosse encore là-dessus, hein, elle fait encore des trucs de dessins animés derrière. Exactement. Elle est dans les coulisses, elle supervise pas mal de trucs. Et elle est toujours choriste de grands artistes. Absolument. Notamment. Donc elle fait de la scène et tout. Alors, puisqu'on parle de Claude, on va écouter un autre générique plus actuel. Un générique qu'elle avait fait pour la 5, si je ne dis pas de bêtises. Hein, qu'on entend rarement, donc moins souvent hein, que Vanessa. Que Max et compagnie et Lucille. Ou Retour de Léo, que j'aime bien. Fleur voilà, Vincent Suisse. Enfin, il y a plein. Karine. Lydie aussi, on va pas tous vous les citer. La Labelle. Oui, elle en a fait énormément. Il y a une liste pas possible que vous verrez dans mon bouquin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, elle reprenait en fait les génériques qui étaient réécrits par Charles Level. Charles Level qui faisait les paroles françaises. Oui, ce sont des génériques italiens. Exactement, hein. Donc des mélodies de Monsieur Carucci. Donc voilà, c'était on reprenait un petit peu les musiques qui avaient été écrites pour les animés japonais diffusés sur la 5 italienne de Monsieur Berlusconi. Et pas forcément le même dessin animé d'ailleurs. Des fois, il y avait des inversions. Oui, c'était pas forcément marrant. Même en Italie et en France. Il y a certains qui étaient identiques et d'autres qui changeaient. Voilà. Effectivement, c'est et vrai. Et celui-là, tu sais ce que c'est en italien ? Celui-là, je ne sais pas. Alors, raconte-moi une histoire. Tu vois, je sais on pas cherchera, ce que c'est on vous dira ça. Ouais, en tout cas, je sais pas, on celui-là. Fait écouter celui-ci qui est plutôt sympathique et qui n'est pas très courant, enfin qu'on entend rarement en fait. Et sinon, vous pouvez le trouver sur le disque Logarithme, les années 90, exactement. Je crois. Exactement, c'était une grosse exclu à l'époque, voilà. Puisqu'il était disponible que sur ce que support. Sur ce... Mais il est toujours disponible que sur ce support-là, enfin, d'ailleurs. Il était parce que les CD Logarithme sont très sont difficiles à trouver. Mais bon, celui-là, tu le trouves un petit peu. Celui-là, les années 90, les gens le boudent un peu, à tort, parce qu'il renferme que des perles. Pépites. Il y a quelques perles, quand même. Parce qu'il n'y a que des exclusivités dessus, en fait. Des versions longues qu'il n'y a nulle part ailleurs. Donc, faut pas bouder les années 90, parce que celui-là, c'est vraiment un des plus intéressants. Donc, si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de le prendre, vous ne le regretterez pas. Hein. Et d'ailleurs, dessus, il y a plusieurs chansons de Claude, dont une que j'aime beaucoup, c'est donc le générique de Tommy et Magali. Salut les filles. Voilà. Et puis il y a aussi La Reine du Fond des Temps, Erika, il y a plein de trucs qui sont là pour la première fois. Voilà, enfin, j'ai un petit coup de cœur moi, pour Tommy et Magali. C'est parti, raconte-moi une histoire. Chercher au fond de ta mémoire une fable, un conte, mais il faut que tu racontes, car tous les enfants sont comme moi. S'il te plaît, raconte-moi une histoire, même si elle est difficile à croire. Au fond de ta mémoire, avec des châteaux, des chevaux, des petits nains magiques et des ogres doux comme des agneaux. Tous les enfants ont besoin de fées et de princes charmants. Ils inventent un monde bien plus beau que notre monde, dont ils sont enfants. Une histoire par Claude Lombard. C'est très long quand même la fin. Hein. Une histoire, ça tire un peu la ligne. On a compris le principe. Ah voilà, Claude, que vous retrouverez samedi. Là aussi, c'est exceptionnel, c'est, hein, parce qu'elle va pas monter sur scène chanter le générique de Sito. Déjà, il a fallu bien la convaincre. Elle voulait pas trop. Hein, donc, c'était des années d'harcèlement, on va dire. Ah, c'est exceptionnel. Hein, oui. Donc, c'est vrai qu'elle voulait plus du tout revenir sur ces génériques, sur ces années-là, même si elle apprécie beaucoup ce qu'elle a fait. Ouais, puis elle n'osait pas trop se mettre en avant, l'habitude de la scène derrière, mais la scène devant, elle appréhende un petit peu, elle n'a pas l'habitude. Donc voilà. Donc ça sera un événement. Alors, the place to be. On aura aussi monsieur Jean-Pierre Savelli. Non, absolument. Jean-Pierre Savelli, c'est le fameux XOR. Et puis bien sûr, c'est Peter Sloan, hein, besoin de mais rien. Mais il ne va pas vous chanter ça samedi du tout. Non, non, du il tout. Il va vous non, faire plaisir avec les génériques que vous aimez et il n'y aura pas Sloan. Donc... Voilà, non, non, on est d'accord, mais c'est juste pour parler au plus grand public. C'est-à-dire que lui, il donc, a. Voilà. Jean-Pierre Savelli, c'était donc les Goldies à l'époque, ouais. Les génériques là-haut, de Goldorak. Là-haut, très loin dans l'espace. À ce propos, il y aura une actu. Donc le lancement va être fait dimanche, le dimanche qui arrive. Donc, pour le lancement chez Télé 80 du CD de Goldorak. De Goldorak, oui, absolument. Je suis 80 minutes, il y a plus de 20 titres. Alors, je ne sais plus, c'est... Il y a, pour la première fois, tous les génériques de Goldorak réunis. Comment ça, presque tout. Comment ça, non? Qu'est-ce que tu me racontes là? Il n'y a pas la première version de Noam, par exemple, pour le générique. Comment ça? Et tu sais bien, on en a parlé avec Olivier la dernière fois. On vous expliquera tout à l'heure. Non. Et donc, on va s'écouter... En même temps, si c'est Noam qui n'y a pas, c'est pas grave. On va s'écouter un générique des Goldies, c'est le ending. Donc, chanté par monsieur Jean-Pierre Savelli et que vous retrouverez sur le CD. Voilà, toi, le prince de l'espace. Voilà. Jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au point. Toi, le prince de l'espace, le champion de la Terre, tu te moques des menaces avec ton rétro-laser. Actarus, toi, dans ton robot, tu décolles à la. À coups de corne aux fulgures, toi, le prince de l'espace, chevalier à la rose, tu te moques des rapaces quand tu dis métamorphose. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Champion de la Terre, tu te moques des menaces avec ton rétro-laser. Pour l'amour des oiseaux, des fleurs et pour l'amour des enfants, tu seras vainqueur des géants et des méchants. Goldorak, tu es plus fort que les anges de la. Eh oui, le prince de l'espace, ça s'appelle le générique de fin, si vous ne le savez pas. Et il y a bien sûr un CD de Savelli, Manga Story, que vous pouvez, c'est ça, Manga Story, je dis pas de bêtises, que vous pouvez ou pas acheter, parce qu'apparemment la qualité de son, c'est pas le top. Bon, avec des remixes un peu bizarres aussi. Enfin, il y a aussi des nouvelles pour versions les fans, ouais. Pour les fans. Voilà. Mais bon, voilà, si vous aimez bien, faut. Et donc le CD de Télé 80 qui va sortir tantôt. Avec et, presque que vous pourrez précommander à partir de dimanche sur la page Facebook. Donc, d'ores et déjà de ce dimanche-là. Oui, ce dimanche-là, c'est annoncé. Alors, je pense pas que ce soit reculé. Hein, voilà. Mais logiquement, c'est annoncé donc pour ce dimanche, donc par PayPal, comme ça avait été le cas pour Ulysse 31. Donc du coup, avec un prix. Voilà, un prix sympa, un prix fan. Privilégié. Vous l'aurez moins cher. Voilà. Vous ne payerez pas 18 euros à la FNAC. C'est ça. Pour peu que vous ayez la chance de le trouver, la FNAC. Pour peu que la FNAC l'ait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de FNAC qui l'ont. C'est ça. Mais nous, notre FNAC, là, bizarrement, le oui, Ulysse. On doit avoir... Il y en a un exemplaire, il ne faut pas déconner. Hein. Un vendeur d'âge mûr. Voilà, un vendeur compétent. Voilà. Qui aime bien ces périodes et puis qui a commandé le truc. C'est cela. Vous voyez, il y aura du beau monde hein, au Grand Rex, on compte sur vous, hein, bien donc, sûr. Donc, La Fée Sauvage, bien sûr. Donc, les places, tu as le lien, on tape La Fée Sauvage, on trouve directement. Vous pouvez les trouver justement dans une certaine FNAC, il y a des places. Il y a des places c'est le partenaire voilà. De La Fée Sauvage, FNAC. Bon. Donc, voilà, vous pouvez trouver les places. Il reste des places dans tous les tarifs et dans toutes les zones, donc carré or, catégorie 1, 2 et 3. Alors carré or, il y a quoi en plus? Qu'est-ce alors qu'on... carré or, on est complètement devant pour bien apprécier le spectacle. Donc on reçoit les postillons. Des... Voilà. C'est après rigole, catégorie 2 et 3, c'est dans les étages, donc c'est un petit peu moins bien. Ah, en même temps, prendre de la hauteur, ça peut être sympa de les voir de haut. Ouais, je mais sais pas. Quand tu connais la salle du Grand Rex, en ah haut, non, c'est pas bien en haut. Enfin, c'est pas que c'est pas bien. C'est moins bien. C'est quand même une belle salle. On peut profiter, quel que soit le truc, mais c'est... on n'a pas le même plaisir, disons. Donc on vous conseille d'acheter les places plus devant. Si vous pouvez. S'il y en a encore. Oui, il y en a encore, il y en a encore. Il y en a encore, alors allez-y. Il en reste assez, pour info, il restait 80 places en carré or, il y a un jour, donc... Ouais, donc allez-y, n'hésitez pas, et je vous dis, si vous n'y allez pas, vous le regretterez. Je vous aurais prévenu, attention hein. Donc il faut y aller, un one shot, il n'y en aura pas deux, hein, les enfants. Donc, Oui, et puis il y aura des choses plutôt sympas, je pense à Michel Andersen, la chanson de Ra. Ra en live, quoi, avec alors un ça, ça orchestre. Le fait, quoi. Ouais. C'est la première fois qu'il va le faire, en plus. Hein, et peut-être la dernière. C'est un projet donc, qu'il avait fait avec Vladimir Kosma, qui est le compositeur de cette superbe mélodie, hein, comme à son habitude. Et des musiques de fond. Des musiques d'ambiance, donc les BGM, comme disent voilà. Nos amis japonais, background music de la série. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout ça sur un coffret qui est dédié à donc Monsieur Vladimir Kosma. Et donc sur un des CD, il y a donc ouais, sur le volume 2, parce qu'il y a deux coffrets avec l'intégrale exactement. De Kosma. Et c'est sur le volume 2 et en fait c'est sur le CD dévolu à Astérix donc, que vous avez en bonus. Astérix, la surprise de César, tout ça. Et après vous avez Raon, voilà. Le générique et les musiques. Et quelques musiques, pas tout malheureusement parce que il y en a pas mal quand même. Hein. Et il y a pas l'instrumental du générique. C'est ça que j'aurais bien voulu avoir, le karaoké du bande playback du générique. J'aurais bien aimé avoir non, ça. Non, ça faut demander à Monsieur Vladimir Kosma. Ah ben je connais pas. Hein. Il va pas me filer ça, je pense. D'ailleurs, alors est-ce qu'on a Raon là sous le coude? Oh bah oui, Raon, je dois bien avoir ça quelque part. Il faut nous le passer quand même. On va laisse-moi vous, un petit peu de temps pour vous le chercher. Envie donc d'écouter Michel Andersen, hein, qui a une belle carrière aussi, alors pas forcément dans, on va dire, dans la lumière au niveau musical, mais qui a fait beaucoup de choses, hein, qui a démarré comme il y a quelques années. Hein. T'as des petits trucs là? Bah, il a participé à pas mal de choses en tant qu'invité, par exemple, donc choriste. On en parlera prochainement. J'ai été assez impressioné par sa carrière. Donc on y reviendra, on aura l'occasion. On y reviendra, hein. Ça mérite, je pense, de passer un moment dans une des émissions. En plus, il a une très belle voix. Oui, absolument. Et puis, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est qu'il a enregistré cette chanson en deux fois. Parce que la première fois, Kosma n'était pas tout à fait satisfait. Alors, voilà, il l'a refait une deuxième fois. Et c'est cette fois-là, la version finale, celle qu'on entend maintenant. Âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir. La fin, le sang, fille. dis pourquoi le jour, la nuit ? Pourquoi l'eau, le feu, la terre ? Ah, mais... ça, pourquoi, on saura samedi. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Réponse à tous ces grands mystères. Donc, on vous le dit, hein, on vous le répète une dernière fois. The place to be, franchement, vous allez regretter, surtout si vous êtes fan de générique. Un plateau prestigieux. C'est le Woodstock, quoi. C'est le Woodstock, faut y être. Réunis tous ensemble, c'est 16 artistes. 40 chansons, enfin 41, forcément du coup. 2 heures minimum de spectacle, hein, de show, avec un vrai orchestre, récapépète. Un vrai orchestre, voilà, des choristes derrière et tout. D'ailleurs, c'est parce qu'il était choriste des autres qu'on avait Patrick Schrader qui du coup va faire Peter Pan, parce qu'il dit « Ah, mais tu sais que mon choriste, il a fait des chansons ?» Bah voilà. Donc, j'ai hâte d'y être. Voilà, bien sûr, on vous narrera tout ça. C'est ça, et puis bien sûr, on sera entre nous aussi en off après, les trucs, en after et tout ça. Donc, si vous voulez nous voir, si vous voulez qu'on partage tous les fans de générique, il faut qu'ils y soient, quoi. Voilà, c'est le rendez-vous de l'année pour les fans de générique. Non seulement de l'année, mais peut-être que ça sera le seul vraiment aussi big, quoi, aussi incontournable. Woodstock. Le Woodstock, ouais, du générique. Le temps passe vite, hein. C'est presque le moment de se quitter. Ouais, le temps s'égrène. Alors vous restez à l'écoute, hein. On vous prépare plein de bonnes choses. Donc bientôt semaine. Les interviews donc de Michel Barraud, de Valérie Barraud et d'Amélie Morin, de Dominique Candy, Poulain. Le spécial Buichi Terazawa. Ouais, l'auteur de Cobra exclusif. Que du méga giga lourd. Donc restez à l'écoute. Donc on vous rappelle que Génération Manga, c'est tous les lundis à 20h sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour l'écouter en direct. Et aussi, si vous n'êtes pas à Clermont et que vous n'êtes pas pour l'écouter à la radio, vous pouvez bien sûr l'écouter sur le site internet de Radio Campus Clermont-Ferrand. En podcast. Un podcast qui diffuse en direct aussi. Donc peut-être que vous découvrez Génération Manga aujourd'hui. Donc allez-y, profitez. Vous avez donc 519 émissions de retard. Alors si vous savez pas quoi faire. Voilà, vous avez le temps. Ils sont tous sur genmanga.opensmiley.com. Genmanga.opensmiley.com. À la limite, vous marquez genmanga sur Google, ça va vous le sortir direct. Et vous pouvez télécharger donc les 519 précédentes. Vous avez des heures et des heures d'écoute devant vous, selon vos aspirités. Donc on a interviewé des comédiens de doublage, on a interviewé des chanteurs, on a interviewé des mangakas, on a fait plein de choses, des chansons exclusives, des collectors et des trucs. Des années, 10 ans de Génération Manga, donc voilà, vous avez de quoi faire, quoi. On pourrait peut-être se quitter avec un petit... Alors je vais vous mettre encore une petite comptine de Michel Barouille. Ah, tu es à fond dans les comptines ce soir. Ah bah écoute, je viens de découvrir ça et je suis trop au fond. Et puis, bah écoute, avant de coucher, n'oublie pas ton petit lolo. Petit lolo, c'est ça. Je l'ai pas celle-là, tiens d'ailleurs. Non, c'est un truc que je connais pas, c'est le rock'n'roll des Gallinacés. Ça te parle, voilà, toi, ça? On va se quitter en compagnie de Michel Barraud. Voilà. Alors, voilà, le rock des Gallinacés. Comme ça va vous rester dans la tête et comme ça, vous allez me maudire pendant une semaine. Allez, le rock'n'roll des Gallinacés de Michel Barraud. Et on se retrouve la semaine prochaine et ça sera pas Nars Darf Nico. Dans ma basse-cour, il y a des poules, des dindons, des oies. Il y a même des canards qui partent dans la mare. Cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, cote, presque si j'ose un fuck. Et d'honneur, bonne et jardinier secrète, au jeu de dupe bras d'honneur, invisible contre orgueil et préjugés. Faire de bonne manière quand la bonne est ta mère, l'étiquette.